Bonjour et bienvenue dans le podcast Doux Passage. Je suis Élise Petit, je suis accompagnante des cycles de vie et d'éveil de soi en devenir. J'inaugure aujourd'hui avec beaucoup d'excitation et de joie ce format de partage qui j'espère vous plaira et que j'ouvre notamment à la demande de mes proches qui se demandent souvent « Mais c'est quoi ce métier que je me suis inventé tout exprès pour moi ?» Alors pour commencer avec cet épisode zéro, je voudrais me présenter. Donc je suis Élise, j'ai 34 ans, je suis maman de deux petites filles de 6 et 2 ans et la compagne de David, un homme formidable qui traverse depuis 5 ans une maladie chronique très douloureuse. Et si je vous en parle là tout de suite, c'est que ça a son importance en fait dans mon parcours. Il y a un an, j'ai réalisé que j'étais épuisée, à bout, perdue, essoufflée, en burn-out. Et les causes sont avérées multiples. Mon rôle de maman, de compagne aidante face à une maladie très prenante, face à la dépression. Mon rôle de salarié, parfois trop impliqué dans un travail qui était censé me plaire parce que j'avais fait des études pour. Mon rôle de... ou plutôt mon statut de demandeuse d'emploi, puisque j'ai quasiment toujours travaillé, mais toujours pour des petits contrats. Et donc, ce statut qui n'est pas toujours évident à porter. Et puis, ma grande difficulté à prendre le temps de m'écouter, tout simplement. Et mes filles ont été comme des messagères qui ont réveillé quelque chose en moi. Et j'ai fait une prise de conscience vraiment très brutale, mais salvatrice, qui m'a amenée en un an, jusqu'à vous, ici, aujourd'hui. Et il s'est passé tellement de choses en un an avec le recul que je trouve ça magique. Des rencontres, des lectures, des podcasts écoutés par dizaines, peut-être même par centaines, des discussions passionnantes avec des gens inspirants, placés là sur ma route pour me montrer le chemin. Et si vous saviez comme ça me donne de l'énergie et ça me remplit d'amour rien que d'y penser. Ce parcours de vie m'a conduite à être celle qui accompagne les passages de vie, qu'ils soient difficiles, joyeux, interminables ou fulgurants, inconfortables ou extraordinaires, forts, insignifiants. Je m'apprête donc à accompagner les femmes, les hommes, les enfants dans la compréhension d'une maladie, d'un mal-être, grâce notamment à la santé humaniste, qui est une technique de soins énergétiques qui considère l'être humain dans sa globalité, qui fait du lien entre le corps, le mental et les émotions que l'on vit tout au long de la vie et qui laisse à la personne le soin d'être actrice de son mieux-être. C'est aussi, vraiment une philosophie de vie qui permet un éveil de soi et qui permet de vivre de façon plus consciente. J'accompagne aussi déjà les passages de vie avec des rituels de vie et des cérémonies symboliques et laïques dans une démarche parfois aussi de guérison mais aussi spirituelle dans le sens de donner de l'importance à ces passages, de leur donner du sens en aidant les gens en fait à se reconnecter à eux-mêmes, aux autres, à leur entourage, se reconnecter à la nature, à leur environnement et à leur histoire. Et donc, comme je vous le disais au début, c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'inaugure ce podcast pour vous partager en toute simplicité ce qui m'a guidée, aidée, portée vers cette création d'activité qui est en phase totale avec mes valeurs, à ce qui je suis vraiment, qui je suis en train de devenir. Et c'est vraiment un chemin de développement personnel et qui a vraiment changé ma vie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le partager. Et aussi, alors comme je disais, à la demande de mes proches, et aussi parce que j'adore raconter des histoires. Et puis, c'est pratique à écouter un podcast. Et du coup, dedans, vous y trouverez des histoires, des petites histoires, des partages d'expériences liées au développement personnel, à la création de mon activité indépendante, du coup, et des outils concrets et simples à mettre en place, testés par moi-même et par mon compagnon et mes enfants parfois, mes découvertes, et peut-être quelques mots d'enfants que je trouve inspirants, et puis mes inspirations du moment. Voilà, je vous retrouve très vite avec un premier épisode qui parle de prendre des risques. Je vous embrasse, à bientôt.